c'est le temps qui nous sépare. Si souvent, sans départ, sans adieu et sans choix, sans regarder derrière soi, on se retrouve vite très loin d'un passé en commun. Le temps papier buvard qui éponge nos histoires, on perd un son de voix, celui qui disait toi, comme dit je t'aime, muet, évanoui à jamais. Les histoires d'amour meurent, souvent sans haine ni heurts. Elles crèvent un jour banal, d'un trop banal fatal. Overdose de sagesse et trop plein de tendresse. Partage des habitudes, des goûts, des certitudes. Tu n'aimes plus cette présence dont choisis évidence. L'autre trop sûr de toi, trop sûr que t'as pas le choix. Sans larmes et sans mouchoir, mais seul dans ton miroir, tu cherches quand t'as perdu tout ce qui t'avait plu. Ce sourire amoureux d'inconnu aux grands yeux. Toi non plus, t'es plus le même. Il sonne faux tes je t'aime. Dis trop mal, dis trop vite, dans un baiser furtif qui n'a plus le même goût, qui n'a plus de goût du tout. Un jour que t'es en retard, un jour qu'elle en a marre, le nœud des doigts trop lâche te retient pas dans le virage. C'est le temps qui nous sépare, tu t'en rends compte trop tard. Cherche pas à savoir lequel des deux partira, comme un pilleur d'histoire, de l'amour plein son sac. Cherche pas quand ça craque, je suis là, aime-moi. C'est le temps qui nous sépare. C'est le temps qui nous sépare. C'est le temps qui nous sépare.